Vous écoutez France Culture. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons le portrait d'une chanteuse qui est aussi une icône pour ses nombreux fans à travers le monde. Voici Une vie, une œuvre, Lassa, 1972-2010. À la sortie de son premier album, La Llorona, en 1997, les auditeurs d'Amérique du Nord ont cru découvrir une nouvelle musique mexicaine, tandis que les Mexicains, eux, ne reconnaissaient pas réellement le son de leur pays. C'est que Lassa avait su absorber et mélanger ses diverses influences. Née dans l'état de New York, d'un père mexicain et d'une mère américaine, elle a vécu dans ces pays, mais aussi à Montréal et en France, sans jamais cesser de voyager. Dans sa grande famille, on trouve des racines au Moyen-Orient, au Liban, en Europe. Curieuse de toutes les sonorités, elle mettait du rock dans la musique tzigane, du jazz dans la country, et chantait le blues avec des tonalités mexicaines. Cette universalité qui la rendait aussi originale explique en partie le succès mondial de cette artiste qui n'a jamais cédé à la facilité et dont le parcours s'est brutalement arrêté à 37 ans, stoppé par la progression d'un cancer. Élise Andrieux a voulu vous raconter son cheminement dans cette émission réalisée aujourd'hui par Céline Ters et intitulée précisément « La route de Lassa ». Il y a un livre qui est parfait pour un petit peu décrire Lassa, je pense. C'est un livre qui parle d'un troupeau de petites souris qui sont dans un mur. Et toutes les souris sont très travailleurs. Ils préparent l'hiver, ils mettent des graines de côté et tout ça. Sauf qu'il y en a un qui ne fait rien. Et toutes les autres souris disent « Mais qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu ne participes pas ?» La petite souris disait « Mais moi, je collectionne les couleurs et les mots. Parce que quand ce sera le creux de l'hiver, on en aura besoin. » Et il mange toutes les graines tranquillement. Le début de l'hiver, il est super facile. Et puis, ça devient de plus en plus difficile. Et il arrive un moment où il n'y a plus de graines et ça devient très immobile et très triste. Et puis, tout d'un coup, il y en a un des autres qui dit « Mais Frédéric, qu'est-ce qui se passe avec tes provisions à toi ?» Et puis là, il commence à parler. Il parle du soleil, il parle des couleurs. Et tout le monde est réchauffé. Et c'est comme s'il voyait les couleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est assez parfait pour... Parler de la sape. Frédéric. I used to say I'm ready, show me the way, and then another year or two would pass me. Moi, je l'ai connue. Elle était très gamine, en fait. Elle me racontait toutes sortes d'histoires. Puis là, je la regardais avec un sourire, puis j'étais là, mais elle est donc bien rigolote, celle-là. Elle est donc bien spéciale. Toute sa vie est entourée de personnages spéciaux. Ses sœurs qui font du cirque, que j'ai vu souvent. Ils faisaient un numéro dans le Vieux-Montréal, dehors. Elle disait, hey, viens voir ma sœur. Puis j'arrivais là, mais qu'est-ce que c'est que cette famille? Puis là, je voyais sa sœur, Aïn, qui faisait son numéro de fil de fer. Très impressionnant, avec son amoureux qui jouait du violon, qui était habillé comme un prince, une grande cape noire, les grands cheveux longs jusqu'aux fesses avec son violon. J'ai dit, mon Dieu, vous êtes combien dans la famille comme ça? En fait, ils étaient à peu près tous comme ça. Puis toutes ces histoires qu'elle a pu me raconter avec son père, le Mexique, et puis je pense que c'est comme ça finalement que tout ça a commencé. S'il Je suis Lassa, chanteuse. Chanteuse, voilà. C'est les deux choses que je peux dire de moi sans me sentir déjà un peu coincée dans une étiquette. J'aime pas les étiquettes. La route de Lassa, 1972-2010. Girls, Ayin, girls. Alors Lassa, elle voulait être chanteuse depuis un très jeune âge, depuis l'âge de, je dirais, 6 ans. Et elle est devenue chanteuse, grande chanteuse. Et nous ici, nous sommes ses trois sœurs, trois de ses sœurs, parce que nous ne sommes pas les seules. Elle a beaucoup de frères et sœurs. Mais Ayin, Myriam et moi, Sky, vivons ici, proches. Et Lassa, elle est décédée il y a maintenant un an. Elle a fait trois albums dans sa vie. Elle a fait La Llorona, elle a fait The Living Road et elle a fait Lassa, le dernier qui n'a pas de titre. Lassa, elle a écrit The Small Song ici. Et puis elle a chanté ici aussi. Elle a écrit au moins une chanson ici. Les roulottes, c'est celle-ci? Oui, c'est là-bas. Ça, c'est les roulottes de Sky. Vous voulez entrer? Oui. Comme je suis née dans l'état de New York. Et puis quand j'avais 2 mois, mes parents m'ont amenée avec mes soeurs au Mexique. Puis on a vraiment passé des années, on vivait dans un autobus, on voyageait beaucoup, on restait pas longtemps dans une place. Ma mère nous enseignait l'école, alors on vivait comme ça, un peu une vie un peu excentrique, un peu isolée, mais on lisait beaucoup. On se battait beaucoup entre nous, c'est sûr. Puis on rêvait beaucoup, c'était une vie comme ça, très... On vivait beaucoup dans l'imagination. Moi, en tout cas, je vivais comme ça. Alors quand c'était le temps de faire des chansons, ça sortait un peu de tout cet univers-là. Ben moi, je suis arrivée la dernière. Alors moi, j'ai pas les mêmes souvenirs que mes grandes sœurs, mais j'ai des souvenirs au Mexique, dans un bus où on habitait avec nos parents, les quatre sœurs, souvent des oiseaux, des chiens, des chats, plein d'animaux partout, et on voyageait énormément. Et on restait aussi dans des campings sur la plage, souvent. Et du coup, c'était nous quatre, les plus grands amis, et toutes nos histoires, ça tournait vraiment dans les quatre sœurs, comme ça. Un souvenir pour moi, c'est qu'elle elle chantait tout le temps. Mais elle chantait pas vraiment, elle fredonnait tout le temps. Et jusqu'au point où c'est devenu extrêmement désagréable pour nous tous. On n'aimait pas beaucoup ça. Et ça, c'était pour moi le début du carrière de Lassa. C'était avec ces histoires de rendre la vie pénible pour nous tous. On n'avait pas d'espace. T'essayais de lire et elle fredonnait. Puis t'étais là, tu veux bien arrêter maintenant? Puis elle faisait comme, quoi? Mais je fais rien. Et puis après, je la tapais. Et ma mère, elle arrivait, puis elle disait, ben, Ayin, elle m'a frappée. Et ma mère, elle demandait pourquoi, et je disais, ben, elle était en train de fredonner. Et puis c'était comme, mec, tu vas pas frapper quelqu'un parce qu'il fredonne. Quand même, t'es dégueulasse. Et puis après, c'était comme, je me frustrais. Et puis elle me faisait des petits pinces minuscules qui se voyaient pas. Elle était super douée pour faire des trucs qui se voient pas. Moi, je la frappais vraiment comme il faut, un gros truc, je sais pas. Et puis elle était super discrète. Je me souviens qu'en désespération, on avait comme séparé, on essayait de faire comme des lignes qui étaient là, que personne ne pouvait traverser cette ligne où on mettait un drap et on se mettait en dessous et on se disait, ben là, ça c'est ma vie, tu me déranges plus. Là. Et puis on traversait tous les kilomètres en s'engueulant comme ça, super chouette. Quand on grandissait, je voyais bien que la réalité que moi je vivais n'était pas la réalité de la plupart des gens qui avaient autour de moi. Mais nous, on promenait notre monde avec nous et c'était la seule chose qui restait toujours pareille. C'était qu'on était ensemble, la famille, et qu'on avait notre maison avec nous. Et je crois que je suis encore comme ça. C'est-à-dire, le monde autour de moi change. Et la seule chose sur laquelle je peux vraiment me reposer ou m'appuyer, c'est mon histoire à moi. Particulièrement qui nous est resté aussi. Elle avait écrit un poème sur un petit chipmunk, un squirrel, un petit écureuil qui était tout seul dans la nature et tout le monde s'en foutait, et tout le monde s'en foutait, et tout le monde s'en foutait. Et puis déjà, c'était tellement rempli d'émotions. Et le poème, il disait « No one cared, no one cared, no one cared ». C'était très répétitif comme ça et puis c'était très dramatique. Et ça aussi, c'est une petite chose qui se lit très facilement avec les très belles écritures qu'elle a fait après. En écoutant ses chansons, les images qui me viennent sont les siennes, je vois qu'elle. Son visage, sa façon de se tenir l'oreille, les cheveux lorsqu'elle chantait. Je la revois pendant que je vous parle, là, de donner des petits coups de tête comme ça, en tenant son oreille, en chantant avec un tout petit mouvement de cou et tout. Inoubliable. Plus tard, moi j'étais profondément secouée quand elle a chanté dans les bars à Montréal et qu'elle avait dit qu'elle était malheureuse. On était en visite chez mon père et elle boudait beaucoup et mon père a dit « Qu'est-ce qui va pas là, ça ?» Elle a dit « Je veux chanter, je veux vraiment chanter. » « Ben chante alors !» Du coup, elle a commencé à chanter a cappella dans des bars plein de monde. Toute seule, sans aucun instrument, rien. Et pour moi, c'était comme une torture d'être assise dans le public, que tout le monde parlait, et que je savais qu'elle, elle se disait, ils vont se taire. Mais Il ne se taisait pas tout de suite. Et puis, moi, j'étais assise là et je souffrais énormément à les voir parler. Puis qu'elle elle était en train de se donner, parce que c'est vrai qu'elle chantait avec énormément d'émotion. Et je suis partie. Et j'ai pas vu la phase quand elle a réussi à les taire. Moi, je suis partie, il parlait. Et la prochaine fois que je l'ai vue, elle était au Bataclan à Paris. Et puis, je peux dire qu'ils se sont tous tais. Il n'y avait pas une son à part elle dans la place. Et puis... Moi, j'ai des souvenirs aussi à Montréal avec son musicien, le guitariste Yves Desrosiers. Pour moi, ça a vraiment commencé là à devenir quelque chose où là, ça, elle avait commencé à avoir sa place. Et les deux ensemble, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir comment ils se entre-aidaient pour que la salle puisse vraiment naître dans sa musique. C'est une belle histoire. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est arrivé, qu'on puisse faire la musique. Parce que je ne savais pas que Lassa chantait. Premièrement, personne en fait le savait. Je ne l'ai pas rencontrée à un endroit où elle chantait. Mais on avait une amie commune et puis elle m'a dit « Viens, je vais te présenter quelqu'un qui a une famille spéciale. Ses sœurs font du cirque, elles sont installées à Montréal. » Puis elle s'appelle Lassa, elle vient d'arriver à Montréal pour rejoindre ses sœurs comme ça. Alors on est sortis un soir. Alors j'ai commencé à parler avec Lassa. J'ai dit « Tu chantes, ok, bon... J'aimerais ça voir comment tu chantes. » Et puis elle m'a dit « Ah, ok, viens, on va. » Alors j'ai donné rendez-vous, puis c'était un dimanche, on a fait un bout d'essai. C'était l'après-midi, elle a sorti ses standards de jazz sur qu'elle avait dans des cahiers. On a joué ces genres de trucs-là, puis j'ai entendu cette voix un peu spéciale. J'étais très surpris sur le coup, parce que je m'attendais pas à une voix comme ça. On a l'habitude d'entendre des chanteuses qui font du jazz, ils ont tous à peu près la même façon de chanter. Mais elle ne faisait pas du tout de cette façon-là. C'est une voix un peu androgyne sur les bords. C'est feutré, ça va chercher dans le fond de la gorge. Tantôt, c'est fragile, un petit peu, avec toujours ce feutre. Là, j'ai fait « Tiens, tiens, c'est intéressant. » Puis, vers le milieu de l'après-midi, alors qu'on joue encore, on est tombé dans les bossa nova brésiliennes où elle chantait en portugais. Puis là, j'ai entendu vraiment... la voix de Lassa, la façon dont elle pouvait envoyer la sauce, si on veut. Puis là, ça commençait franchement à faire quelque chose au niveau émotif. Et puis, il y a eu 2-3 rencontres très espacées. Ensuite, je l'ai revue pendant l'hiver. C'est là que les chansons mexicaines sont apparues. En discutant comme ça, Lassa me racontait son enfance parce que c'était tellement assez... extraordinaire. Alors, elle sortait des rancheros, des chansons de langoureuses de cowboys mexicains. Et puis, c'est à ce moment-là que je lui ai dit « Pourquoi tu ne chanterais pas ça? » Et puis, elle me regardait d'un air surpris. « Ah oui, tu veux? » Je dis « Ben oui, ça serait, je pense, quelque chose de beaucoup plus intense que de faire des vieux standards de jazz que tout le monde reprend, puis qu'on a entendu maintes et maintes fois, et puis que bon... » 1, 2, 3, 2, 2, 3... Avant qu'on fasse le premier disque, on s'est mis 3-4 ans pour, premièrement, se trouver quelque chose à nous, si on veut. Comme ça, ensuite, on a commencé à penser à écrire des choses. Moi, j'écrivais la musique, souvent toute la musique, mais il est arrivé que Lassa soit arrivé avec une mélodie qu'elle trouvait, et puis que pour pas la perdre... Elle se laissait des messages sur son répondeur. Donc, elle appelait chez elle, puis elle faisait... Suite demain. Tantôt, c'est moi qui amenais de la musique avec une mélodie, puis j'ai dit, tiens, là, ça, je l'ai écrite pour toi. Et puis, ça pouvait prendre du temps, mais ça finissait par débloquer. Puis, Yves, je l'ai trouvé! J'ai les paroles! Yeah! Ça a été ça, notre collaboration, en fait. On travaillait pas mal séparés. On s'amenait les choses, mais le résultat se faisait quand on avait travaillé chacun de notre côté. Je m'appelle Vincent Friandeau, je dirige le label Tôt ou Tard. C'est nous qui avons signé Lassa pour ces trois albums. Et l'histoire, c'est un coup de fil d'une amie journaliste qui s'appelait Anne-Marie Pacotte et qui était responsable de toute la partie chanson du journal Télérama, en fait. Et Anne-Marie était extrêmement sensible à la musique de Lassa et elle m'a fait écouter tout simplement. Un jour, elle m'a passé un petit coup de fil en me disant « Il y a une fille fantastique. » Elle joue au Printemps de Bourges à l'époque, Lassa. Elle était découverte du Printemps de Bourges. Et donc, il y avait à ce titre une espèce de petite compilation qui édite le printemps à chaque fois. Il y avait une chanson, il y avait El Desierto de Lassa, donc qui a été mon premier contact avec elle. Et lorsqu'Anne-Marie m'avait appelé, et j'avais le disque en fait dans mon bureau, elle m'avait dit « Regarde, c'est le numéro, je sais pas combien, du disque, écoute cette chanson, c'est fabuleux ». Et j'ai écouté, j'ai effectivement trouvé ça fantastique à la première écoute. Et après, je n'avais plus de cesse que de retrouver donc l'origine, parce que le disque était fait, et il fallait que je me fasse rapatrier tout ça. Et je trouve que c'était des gens que je connaissais, puis c'est un label qui s'appelle Audiogramme, qui est l'un des labels les plus importants au Québec. Je les ai appelés et puis très rapidement on s'est mis d'accord pour que ce projet atterrisse sur Tôt ou Tard, qui était naissant à l'époque. He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. C'est qu'au moment où j'ai entendu ça, El Desierto, il faut le réécouter en ayant ça en tête, elle avait 22 ans. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo. Alors on avait vraiment l'impression que cette voix était pas du tout la voix d'une jeune femme de 22 ans, quoi. Elle avait déjà tellement vécu de choses, cette voix, qu'elle était la voix d'une femme plus mûre que ça, quoi. Ahora sí, he venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. Je suis venue dans ce désert pour rire de ton amour, car le désert est plus tendre et l'épine m'embrasse mieux. Je suis venue au centre du néant pour hurler que tu n'as jamais mérité ce que j'ai tant voulu donner. Je suis venue en courant, en t'oubliant. Embrasse-moi, oiseau. N'aie pas peur, colibri. Je suis venue enflammée dans ce désert pour brûler. Car l'âme prend feu quand elle cesse d'aimer. Para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego. Sur scène, il y avait une mouche qui volait, on l'entendait dans la salle. Ils étaient complètement pendus à ses lèvres et puis ils en avaient que pour entendre ces mots-là. C'était très fort. Je pense que c'était à cause de sa façon de rentrer dans l'âme des gens. Sa façon lente de raconter ces choses entre les chansons aussi. Et puis, sa chanson, elle avait envie de la raconter, de la donner à chacun des personnes qu'il y avait dans la salle. Ça faisait vraiment quelque chose de très fort. Mais à cette époque-là, étant donné que Lassa avait des lacunes au niveau du, si on veut, du tempo, ça arrive souvent chez les chanteuses ou les chanteurs qui sont pas nécessairement musiciens. Ils sautent un temps, des fois, ça arrive comme ça. Lassa, elle sautait trois temps. Alors, au début, ça donnait une espèce de théâtralité, finalement, que même si moi, à l'époque, je lui demandais « Travaille ton tempo, travaille aussi », toutes ces choses-là, finalement, je suis content qu'elle m'ait jamais écouté. Parce que ça a fait quelqu'un, finalement, de différent, qui allait chercher les gens d'une façon autre. J'ai jamais accompagné quelqu'un d'autre qui donnait cette impression de force. C'est la chose qui va me manquer le plus, que je regrette le plus, c'est d'accompagner encore Lassa. Autant qu'on pouvait être en symbiose sur scène ou en harmonie, dans la vie, Lassa et moi, on s'aimait beaucoup, là, inconditionnellement. Par contre, on avait... des points de vue, des regards sur la vie différents. Bon, ça a été difficile, surtout quand le succès est arrivé. Elle avait envie plus de prendre sa destinée en main, ce qui devenait un peu problématique avec un collaborateur. Et puis on n'était pas d'accord des fois sur les visions artistiques. Alors ça fait que naturellement on s'est séparés. Voilà. Mais on a été tellement proches que la séparation a été un petit peu dure, si on veut. Parce que, bon, là, ça, c'est quelque chose qui prend les choses très au sérieux et puis ça devient très, très grave. Alors, c'est difficile de discuter avec là, ça. C'est très difficile de trouver un terrain d'entente. Quand elle est décédée, il y a deux choses qui m'est arrivées. La tristesse de quelqu'un que j'ai bien connu, que j'ai aimé. Et puis aussi le fait que... on n'a pas pu vieillir ensemble et puis de se reparler de plein de choses. Ça aussi, c'est pas facile. Lassa, la route chante. Lassa, elle écrit ce livre 2 ans avant de partir de ce monde. Et elle a écrit ce livre de ses mémoires de son passé. Et elle a partagé ses idées les plus intimes par rapport à sa vie artistique. Et comment elle arrive à écrire une chanson. Terre. J'ai souvent eu tendance à me déraciner et à dire « ça y est, je recommence à zéro ». Avec les années, je me rends compte que je ne recommence pas à zéro et c'est tant mieux. J'ai longtemps confondu la question des racines avec celle de la perte de liberté. Mais je commence à 35 ans à me rendre compte que parfois c'est absolument le contraire. Se retrouver suspendu dans le vide, c'est pas toujours la liberté. Quand j'écrivais The Living Road, je pensais beaucoup au mot exil, car ce sentiment de déracinement était devenu si puissant dans ma vie qu'il m'obsédait. Dans Anywhere on This Road, je dis ceci. J'habite ce pays maintenant. On m'appelle par ce nom. Je parle cette langue. C'est pas tout à fait pareil. pour aucune autre raison que ça, c'est chez moi. Son deuxième album est venu tard parce que le succès de son premier album l'a vraiment perturbé. Mais je pense que ça ne l'a pas perturbé dans le sens qu'on peut entendre dans d'autres circonstances, c'est-à-dire des gens qui d'un seul coup ont vendu tellement de disques qu'ils perdent des pédales. Elle n'a pas du tout perdu des pédales, loin s'en faut. Ça l'a perturbée, je ne suis pas sûr que ça l'ait rendue super heureuse. Parce que c'était soudain, parce que d'un seul coup elle s'est mise à vendre énormément de disques. Hein. Le premier album s'est vendu à l'époque à près de 350 000 exemplaires en France, ce qui est colossal. Et puis quand on a réussi à faire connaître un artiste sur un premier album, comme c'était le cas sur celui de Lassa, sur la Yorona, évidemment, vilains marchands que nous sommes, n'avons pas envie de trop tarder pour revenir, parce que derrière, et d'ailleurs c'est ce qui s'est produit sur le second, lorsqu'il faut attendre 7 ans, ben, ma foi, les gens changent et les gens zappent, donc ça va très très vite. Alors le public n'a pas zappé, le public qui a acheté le premier album, c'est quand il est sorti rué sur le second, mais c'était pas facile quand même, et puis nous on attendait. Moi je pense que son intuition était beaucoup plus forte que les urgences, par exemple, d'une maison de disques qui lui disait, voilà, il faut que ça soit fait au bout de 2 ans. Et non. Hein. Si elle ne le sentait pas ou si ce n'était pas prêt, elle allait attendre 4 ans. Et puis voilà, ils allaient attendre avec elle. Parce qu'elle n'allait pas faire quelque chose dans un rythme qui n'était pas le sien. Et ce n'était pas confortable pour elle non plus. On ne peut pas dire que c'était toujours dans un confort psychologique. Moi, je me souviens de périodes où elle n'était pas du tout sereine parfois. Mais elle ne pouvait pas ignorer son chemin. Et ce chemin-là, il était assez difficile à suivre, je pense, des fois de l'extérieur. Même pour nous, on a fait une expérience où on a travaillé en cirque ensemble. On a créé un spectacle et on était toutes les 4 sœurs dedans, Pocheros, il y a quelques années. Et c'était une expérience incroyable et très frustrante aussi parce que elle était assez soliste dans sa façon de travailler. Elle pouvait que avancer dans son rythme et souvent elle savait ce qu'elle voulait pas faire mais elle savait pas ce qu'elle voulait faire, donc elle disait pas souvent oui par rapport à un travail créatif, c'était intuitif, on pouvait pas dire logiquement de l'extérieur ah oui on sait où elle va si elle a dit ça, on pouvait pas le suivre, elle le disait pas elle-même, elle arrivait peut-être pas à le formuler mais elle allait quelque part de important. C'est comme si elle se mettait dispo et après, si tu te vides complètement et après tu attends, tu sais pas combien de temps. Et puis, pour moi, le seul guide qu'elle avait, c'était le vide, d'une certaine manière. Et après, ça venait, il y avait un truc qui venait et ça le guidait après. Mais il y avait des longs espaces, c'était soit le silence, ou soit l'idée qui est venue du silence. Et une fois que l'idée était là, elle le suivait. Encore, elle repoussait tout ce qui pouvait distraire pour vraiment, vraiment, vraiment voir ce qui se présente. Et puis, à être plus que 100% intègre par rapport à ce qu'elle recevait comme information là-dessus. Donc, s'il fallait que plein de choses pètent et meurent à côté, il faut que le truc y soit intègre. La route chante quand je m'en vais. Je fais 3 pas. La route se tait. La route est noire à perte de vue. Je fais 3 pas. La route n'est plus sur la marée haute. Je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée. La tête est pleine, mais... Elle parlait continuellement de la magie. Elle demandait aux gens, est-ce que vous croyez dans la magie? Et pour moi, sa quête, c'était de nous redonner une magie auquel on peut vraiment accéder, qui est disponible à tout moment, et qu'on sait tout ce qui est là, mais on a oublié, et on n'a plus l'habitude de le permettre. Et on ne le cherche plus, on se met à l'écoute et il se révèle comme ça, en étant à l'écoute. Et pour moi, c'était ça, sa quête. Et c'était à travers la musique. Ça, c'est jadis. Ça, c'est le prince. Il fait du bruit. Ouais, il fait du bruit. Et il monte sur la table. Dis donc. Ah, ça, elle aimait tellement les chats. Et puis, souvent, quand je parle d'elle, je vois un chat et j'ai vraiment l'impression que c'est lié à elle. Et c'est bizarre. Elle adorait la synchronicité, les symboles et les archétypes. Et toute expérience le plus banale peut être remplie de meaning, je sais pas ce mot, signification. Et elle était extrêmement comme ça. Dans sa maison, elle avait des cloches. Elle aimait bien les petites cloches. Je pense que c'est pas pour rien que son nom c'était Lhasa, parce que c'est la capitale de Tibet. Et elle avait un côté un peu lointain comme ça, que même par rapport à nous quatre, il y avait quand même quelque chose qui la séparait de nous. Et il y avait ce truc un peu lointain comme ça. Et il y a une photo d'elle enfant où elle est assise en tailleur comme ça avec un kimono. Et elle a un côté comme lointain, comme si c'était très naturel pour elle d'avoir des expériences un peu comme ça, serein, dans une sérénité pure comme ça. Je ne sais pas quel âge elle avait, peut-être 6 ans ou quelque chose comme ça. Rêver très fort. Je joue un peu de piano, donc je peux jouer les mélodies que j'ai en tête. Et puis les musiciens cherchent, je les guide de manière très instinctive. Je leur dis, c'est ça, c'est presque ça. Ce qui m'aide toujours dans cet effort, c'est que j'ai tellement de tendresse pour mes chansons. Je ne peux pas les laisser tomber. J'ai besoin d'aller le plus loin possible vers ce que j'entends dans ma tête. Plus cela se rapproche de cette musique intérieure, plus la chanson vivra réellement. Une chanson, c'est ce que je sens depuis toujours, comme un rêve. Le titre, je l'ai trouvé à la fin. Je suis passée à travers toutes les chansons, puis j'ai sorti des phrases qui pourraient peut-être être le titre de l'album. Puis dans la dernière chanson, il y a cette phrase qui dit « I'll put my foot on the living road ». Je poserai mon pied sur la route vivante. Puis tout d'un coup, je l'ai vu, les mots de « living road », puis je me suis dit « voilà, c'est ça cet album ». Puis après, je me suis rendu compte que tout l'album, en fait, c'était vraiment de ça que ça parlait. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de la route. Et c'était en plus une métaphore parfaite pour tous les processus intérieurs de la route du cœur. Thank you. m'appelle Arthur, Arthur Higelin, et je suis chanteur, musicien, et j'étais un ami proche de Lassa. J'ai vu Lassa en concert à la Cigale, une des premières fois, c'était dans la foulée de son premier disque. Je la connaissais pas, on m'avait parlé d'elle, et puis j'ai trouvé le concert complètement magique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai vu, entendu Lassa, ça m'a toujours beaucoup inspiré artistiquement, musicalement, poétiquement. C'est-à-dire que c'était une espèce de réflexe. Tout d'un coup, ça me donnait envie de créer. J'avais des images, des idées. Et le premier concert, c'est pareil. Tout de suite, j'ai pris mon carnet, j'ai commencé à noter des idées de chansons. Il y a toujours eu cette relation vraiment créative. Et puis après, on nous a présenté. Au début, on était timide. Et puis, je sais pas. C'est mystérieux, l'amitié. Comment ça se développe? C'est simplement qu'on se sentait, quoi. On sentait qu'on avait quelque chose en commun. Une des raisons, et très égoïstement, une des raisons pour laquelle elle me manque, une des nombreuses raisons, c'est justement que c'était la seule personne avec qui j'avais vraiment des discussions artistiques intimes, vraiment, comment dire, sur le fond de ce qu'on fait. Sur, je dirais, une espèce de sensibilité spirituelle, charnelle. Alors, moi, ça s'entend pas forcément dans ma musique, mais en tout cas, j'ai ça en moi. Et là-dessus, on parlait vraiment très précisément, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, quoi, dans la création, quoi. C'est comment on peut fluidifier. On parlait beaucoup de ça, quoi. C'est la seule personne avec qui je parlais de ça. Elle était très connaisseuse. J'ai habité chez elle. Elle m'a prêté son appartement quand j'ai enregistré Adieu Tristesse à Montréal. Et chez elle, t'avais une vraie atmosphère de silence. C'est un des seuls appartements que j'ai vu de ma vie. D'ailleurs, toutes ces maisons, c'était comme ça. Où t'entrais, et tout d'un coup, t'avais une espèce de calme en dehors du temps. Tu vois, c'était dû, je sais pas, aux photos, aux plantes. Il y avait souvent des photos de ses grands-parents, arrière-grands-parents, qui étaient des gens aussi, qui avaient une forme de noblesse, tu vois, de caractère. C'était son arrière-grand-père libanais, il y avait toujours un grand portrait. Aussi de sa grand-mère, qui était actrice. Ils étaient tous très beaux, des grands portraits noirs et blancs, comme ça. Le vieux piano. Et quand même de mystère, toujours ce putain de mystère qui était là, malgré elle, quoi. Sinon, c'était pas un temple non plus. Parce que Lassa, même s'il avait cette intensité, et que chez elle, il y avait effectivement une espèce de recueillement, c'est vrai. Néanmoins, elle était quand même très déconneuse, quoi. Elle était très, très drôle, quoi. Elle rigolait beaucoup et elle avait un rire incroyable. Il rigolait un peu comme ça. Et s'il y avait un public, un énorme public, t'entendais que elle. Souvent, elle rigolait dans un moment où personne trouvait ça drôle, et t'entendais. Et puis tu disais, ah, c'est là ça qui rigole. Et puis aussi, une des activités favoris de Lassa, c'était de raconter des blagues. Et elle avait un stock de blagues absolument incroyable. Moi, je suis incapable de retenir une seule blague. Elle avait une collection de blagues. Elle les sortait dès qu'on était tous ensemble. Et c'était une grande activité de raconter les blagues. On pleurait de larmes parce qu'on rigolait tellement fort quand elle racontait ses blagues. Ce qu'a vraiment l'image de Lassa en train d'éclater de rire, quoi. En train de rire. un grand sourire, quoi. Elle avait une partie d'elle qui était profondément heureuse. Une partie satisfaite, quoi. Sa dernière recherche par rapport à son dernier disque, c'était vraiment lâcher complètement cette tension dramatique qu'elle avait pu avoir dans la voix. Tout d'un coup, pour elle, c'était devenu plus naturel, quoi, de faire ça, de tout d'un coup d'être l'espèce de passionnara, de chanter une forme de souffrance. C'est quelque chose qu'elle avait vraiment le désir d'abandonner, de lâcher. Et du coup, elle écoutait beaucoup des chanteurs black, comme ses deux préférés, c'était Sam Cooke et Al Green. Parce que c'est des gens qui font aucun effort quand ils chantent. C'est une espèce, ça coule, quoi. C'est de l'eau, c'est fluide, c'est ouvert. Et puis, elle avait décidé d'abandonner son personnage. Elle avait juste envie d'être elle-même et de rayonner, tout simplement, sans effet, en fait. Elle ne voulait plus faire d'effet aucun. Et le dernier concert au Bouffe du Nord était vraiment, comme ça, saisissant aussi, parce qu'elle était tellement lumineuse, ouverte, rayonnante, tu vois. N'importe qui ne pouvait pas imaginer une seconde qu'elle était malade, tu vois. C'était juste pas possible d'imaginer parce qu'elle était complètement rayonnante, souriante, et puis avec cette voix justement qui sortait sans aucune tension. C'est une voix qui était comme autour d'elle, tu vois. C'est ça qu'elle cherchait, elle l'a trouvée à la fin. Si on écoute la chanson I'm Going In, et on sait qu'à ce moment-là, Lhasa, elle ne savait pas qu'elle était malade quand elle a écrit cette chanson. C'est quand même très très fort ce qui se passe par rapport à où elle allait et qu'est-ce qu'elle a écrit, la chanson et les paroles. J'ai l'impression que c'est pas pour rien que Lhasa, elle a écrit beaucoup sur la mort. Elle a toujours écrit beaucoup sur ce sujet-là. Même quand elle était en pleine forme, même quand elle était en train de danser, boire, rigoler, elle a toujours écrit sur la mort. Moi, j'ai l'impression que la quête, c'était quelque chose avec vivre, chanter et mourir. Que quelque part dans cette histoire-là, Lhasa, elle, avec toute son intuition, elle savait que c'était important, quelque part pour elle dans son histoire, de mourir. La mort faisait partie de sa quête. Mon père est un grand philosophe. Et en ce moment, il a une nouvelle idée qu'il m'a racontée. C'est que nous, quand on est conçu, on arrive dans le ventre de notre mère. On est tout petit. C'est comme si on arrivait dans un océan infini de nuit et de silence. Mais malgré nous, il y a toutes sortes de choses qui sont en mouvement, qui font qu'on grandit, on grandit, on grandit. Et on commence à toucher au mur de notre monde. Et à la fin, cet espace commence à être très inconfortable pour nous. Et on est obligé de naître. Et mon père, il a dit que à ce moment-là, on est sûrement en train de se dire que c'est la fin, qu'on est foutu. Mais heureusement, on se trompe. Parce que c'est juste le début. Et on est dans ce monde, dans cette vie. Et au début, on est tout petit. Et plus on grandit, plus on commence encore à toucher les limites de notre monde. Et à la fin, on est obligé de mourir. Et mon père dit qu'à ce moment-là, on est sûrement en train de se dire « Là, c'est vraiment la fin. Là, je suis vraiment foutue pour de vrai. » Mais lui, mon père, il croit que ça, c'est juste le début de quelque chose d'autre. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'avait dit qu'elle avait rêvé, qu'elle était, on était nous trois et elle, et on était sous les étoiles la nuit, et le ciel était énorme. Et elle, elle a dit, regardez, c'est quoi cette chose-là? Et toutes les trois, on ne voyait pas ce qu'elle voyait. Et à ce moment-là, elle a eu tellement peur qu'elle s'est réveillée. C'était très simple comme rêve. Mais ça m'avait beaucoup touchée quand elle m'avait dit ça. When my lifetime had just ended and my death had just begun, I told you I'd never leave you, but I knew this day would come. Give me blood for my blood wedding. I am ready to be born. I feel new, as if this body janvier. C'était à la Lhasa. Il y avait un ciel énorme et une lune vraiment énorme. Et il n'y avait aucun nuage et il faisait froid. Et puis, j'avais une plante qui ne devait pas fleurir. qui a fleuri, qui a donné plein de jasmin. Et j'avais cette odeur et la lune. Et après, je suis venue, j'ai traversé le champ et je suis venue voir Sky. Et c'était très, très tôt, c'était l'aube ou juste avant l'aube. Et on avait dit, elle a fait sa plus grande acte de magie. Elle est disparue. Not a moment for the meeting. I'll be busy as a bee. You'll be talking to me, but I just won't understand. I'll be falling by the wayside. You'll be holding out your hand. C'était La Route de Lhassa, 1972-2010. I have other things to do. Avec Aïn, Sky et Myriam de Sella, Yves Desrosiers, Vincent Frérebeau et Arthur Higelin. Prise de son Olivier Leroux, Raymond Albouy et Ronan Mahé. Mixage Olivier Dupré. Attaché d'émission Anne de Biran. Archive de Jérôme Sandlars. Lecture par Laure-Hélène Planchet. Extrait du livre La Route chante aux éditions Textuelle Musique. Un documentaire de Élise Andrieux réalisé par Céline Terce. Merci à Bruno Girard du groupe Bratch, Jérôme Lapierre, David-Étienne Savoie, Jérôme Minière, Mario Légaré, Francis Dordor, Gilles Médioni et Alexandra Karam pour la photographie de Lhassa. Even lost and blind, I still. Et c'était Une vie, une œuvre consacrée aujourd'hui à la chanteuse Lhassa, disparue en 2010 à l'âge de 37 ans. Un grand merci à Élise Andrieux et à Céline Terce pour cette émission qui demeure, vous le savez, disponible sur notre site pour la réécoute et le téléchargement. N'hésitez pas non plus à vous y rendre pour laisser des commentaires. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, nous évoquerons la figure du roi des loufoques, j'ai nommé Pierre Dac. Très bonne semaine à toutes et à tous. Mmh. Mmh.